Dehors il pleut comme vache qui glisse. Pour y voir clair, mes yeux se plissent. Les gens sont flous, ça me fout le cafard. Et je déteste ce froid de canard. Pour certains c'est un temps de cochon. Moi qui en ai le caractère, je préfère accuser les bichons. Et que voulez-vous, j'en suis fière. Je suis une vache. J'en ai la peau, disent les marmots. Une peau de vache. Une vache à lait quand ça leur plaît. Quand on n'est pas bien dans sa peau, faire l'autruche c'est préférable. Le sable c'est pas agréable, mais c'est mieux que de faire le moineau. J'en ai reçu, mais dans la peau d'un bovidé, je me serais plutôt vue en zébu. Permettez-moi de ruminer. Je suis une vache. J'en ai la peau, disent les marmots. Une peau de vache. Une vache à lait quand ça leur plaît. Dans les plumes, j'avoue que ça me donne la chair de poule. Si par malheur je les allume, ils savent me dire que je les saoule. Je donnerais bien un bon coup de sabot dans leur derrière de petits veaux, mais en façade je ravale et je refais ma queue de cheval. Je suis une vache. Les marmots, une peau de vache, une vache à lait quand ça leur plaît. Et je serai fière de mes pétards. Je suis une vache. Une vache à lait quand ça leur plaît. Je suis une peau de vache. Les piments tombent mais ça me plaît. D'ici là je fais le dos rond. Rentrer les pies, ça entretient. Demain on sera copains comme cochons. Ça j'espère bien.